le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, sans rire, s'adorant et s'aimant sans dégoût. L'homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout. Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel, la sainteté comme en un lit de plumes un délicat se vautre, dans les clous et le crin, cherchant la volupté. L'humanité bavarde, ivre de son génie, et folle, maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie, « Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis !» Et les moins sots, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense. Tel est du globe entier l'éternel bulletin. 7. Amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir ce rétière infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « En avant !» De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres, qui chantent « Par ici !» Vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos pylades là-bas tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. 8. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, en faire au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. »